بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اليوم قبل هذا ندخل اليوم إن شاء الله في درس الخامس عشر والسادس عشر إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هنا في نقص في الذي هذه النسخة متفق عليه. ما عندي ذكر الجار هنا معكم أذكر الوزن أنا ما عندي ممكن سكت في من الكتاب لكن في شرح يذكره. طيب سلام أبو هريرة مسجد الله صلى الله عليه وسلم الذي que celui d'entre vous qui croit en Allah et au jour dernier qui dise du bien ou qu'il se taise, que quiconque croit en Allah au jour dernier qu'il honore son invité et quiconque croit en Allah au jour dernier qu'il honore son voisin. والحديث المتفق عليه. Donc ce hadith يبين لنا بعض خصال الإيمان. Les choses qui font partie de la foi. On va aller comme ça. لأن الإيمان كما ذكرنا هو اعتقاد قول باللسان وعمل بجوارح. Ce sont des paroles, croyances et des actes, des membres du cœur qui rentrent dans la croyance. ومنها هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. De dire du bien ou de se taire et d'honorer l'invité et le voisin. وهذا من كمال الإيمان. ليس معنى أن الذي يقول شر أو لا يكرم ضيفا ورجارا أنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. يعني celui qui ne fait pas ces actes-là ne veut pas dire que c'est un kafir. Ça veut dire que son iman il est naqis. Son iman il est naqis. Car le fait de croire en Allah, يعني iman tamen, ça amène à croire au jour dernier. Et croire au jour dernier, ça amène à agir. فهمت أن تكون الاستعداد من هذا اليوم. Tu prépares les actes qui vont pouvoir te préserver des affres de ce jour. ومن هذه الأعمال هذا. C'est pour ça que le hadith il parle de cela. Parmi les actes à faire pour se préparer pour le jour dernier, dire du bien ou se taire, honorer le voisin et l'invité. لأن كما ذكر الشيخ نفسه يقول مجرد الإيمان بالبعث دون الاستعداد له لا يفيد شيئا. Celui qui croit au jour dernier mais qui ne se prépare pas, cela ne sert à rien. Cet iman au jour dernier ne sert à rien. Pourquoi? Car il ne s'est pas préparé. Le but de croire en ce jour, c'est de se préparer pour affronter ce qui se passera par la suite. Thumma al-jannah aw al-nar. T'as des gens يعني affilié à l'islam qui croit au jour dernier. Amen. Il croit au jour dernier. Et il croit en Allah Azza wa Jal. Mais il ne faut pas d'acte. Rien du tout. Donc leur foi en Allah et au jour dernier, est-ce que leur sert quelque chose? Elle leur sert à rien. Car min al-iman, al-a'mal bi-jawarih. Les actes des membres. Ils s'appellent eux-mêmes comme étant des musulmans non pratiquants, comme ils se nomment eux-mêmes. Chose qui n'existe pas, car le musulman, le terme musulman qu'ils veulent employer, c'est le terme musulman. Musulman veut dire soumis. Donc tu ne peux pas être soumis de ne pas agir. C'est que tu n'es pas soumis si tu n'agis pas. Si tu n'es pas soumis, c'est que tu n'es pas musulman. Hada wa hada. A-t-on déjà vu, mathalan, Charles Yakoulak, moi je suis un employé dans ton entreprise. Par exemple, à l'image humaine. Je suis un employé dans telle entreprise. on lui dit c'est quoi ton poste, il dit مثلاً, moi je suis comptable. On lui dit est-ce que tu comptes, il dit non. Est-ce que tu viens au travail, il dit non. Est-ce que tu pointes chaque jour le matin quand tu pars et tu vas, il dit non. Il dit t'es où, je suis chez moi. Et qu'est-ce que tu fais, je dors, je regarde la télé, je vais faire un foot à Kaza. Donc t'es pas comptable dans l'entreprise Foulaine, elle dit si. Je dis ben non. Si. Il dit t'hadek, tu me dis que ton patron paye à la fin du mois, qu'est-ce que tu fais là? Il te paye. Elle dit ah non, t'es pas employé. Peut-être t'es comptable, t'as les notions, t'as les compétences, mais t'appliques pas ce que tu fais, donc t'es pas l'employé. Fahada, un autre mustawa à nous. Donc quelqu'un il vient, il attend d'Allah Azzawajal son Jannah, il dit avoir peur de son feu, et il obéit pas. Quand je dis obéit pas, c'est pas partiellement. Là, il y a soli, là, il y a som, là, il y a hujj, là, il y a zaki, là, il y a kumbibir et walidain, voilà, il kram et jar, voilà, il zaif, voilà, il y a kalmi char. Il fait tout le char qu'il y a, il fait pas de khayr. Après, il te dit, ya Rabbi, Allah ghafur rahim. J'espère qu'Allah me pardonne. Fada ghurur. Là, c'est la désillusion. C'est pas de l'espoir. الرجاء مبني على الأعمال الغرور مبني على الأماني كما جاء في حديث أبي يعلى شداد بن أوس قال هل الحديث في كلام من الحديث المعنى الصحيح ذكرناه قبل أيام قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من أدان نفسه وعمل لبعد الموت والعاجز من أدبع نفسه أو نفسه هواه وتمنى على الله الأماني. Que le kayis, c'est-à-dire l'homme qui est conscient, réfléchit, aqil, est celui qui soumet son nefs et qui agit pour ce qui est après la mort. فَيُبِنُوا بِاللَّهِ وَالْمَعْقِلِ. Il prépare ce qu'il y a. Et le ajiz, on va dire l'incapable, est celui qui suit ses passions, il fait ce qu'il a envie, et il s'imagine qu'Allah va lui donner ce qu'il attend. هذا الحديث أظن رواه الترمذي لكن الحديث par rapport à son degré d'authenticité il y a un kalam mais le hadith c'est le sens c'est le correct donc ça revient à ça وهذا هو إرجاء عليه السلام بالإرجاء vous savez l'إرجاء c'est تخلي الأعمال عن مسمى الإيمان de sortir les actes après il y a des درجات comme vous le savez dans l'إيمان là n'est pas le sujet donc ça revient au شاهد que quelqu'un qui te dit moi je crois en Allah au jour dernier on dit bah tu agis. Tu agis. Après, bihasb amalik, quand tu as connu email ou quelqu'un à Milan, quand il y a connu Arkesan. Mais tu fais rien, et après tu espères, tu dis, Inna Allah ghafur rahim, tu dis, Naam, wallahu shidul iqab kazalik. Alors il dit en châtiment aussi, il ne faut pas oublier l'autre partie du. Normalement, tu es entre l'espoir et la peur. Taïb, fa yakul, fi le hadith, fa yakul khayran, aoul yasmut, qui disent du bien ou qui se taisent. Donc, واليوم الآخر والاستعداد له أن يقول العبد خيرا أو يسموت. Donc, parmi les choses qui te préparent au jour dernier, c'est le fait de dire du bien. Si tu n'as pas de bien à dire, alors tu gardes le silence. فقد خلق الله سبحانه هذا اللسان في هذا الإنسان. Que Allah il a mis cette langue dans cet homme. Quand on dit homme, c'est aussi valable pour la femme. وعلمه النطق والبيان نعمة منه سبحانه وتعالى ولم يجهله من الجوامد التي لا تنطق أو من البهائم أو من الصم أو البكم على المعطلين عن الكلام. Que Allah justement a mis cette langue dans l'humain et lui a appris à s'en servir. Et cela est une ni'ma pour lui. Il n'a pas fait de lui un objet inerte. Il n'a pas fait de lui une créature muette. Il n'a pas fait de lui un animal, car les animaux ne parlent pas. Il y a des animaux, ils prononcent des sons, mais ce n'est pas parlé. Par exemple, je sais pas, t'as le perroquet, il parle, mais ce qu'il dit, c'est juste, il reproduit des sons qu'il entend. C'est pas un autre qui en est à même dire l'aql. Il y a des animaux, peut-être qu'entre eux, ils communiquent. Non, qu'il y en a là. Mais c'est pas forcément avec la langue, ça peut être avec le sonar, comme certains poissons. C'est un animal marin. Là, on parle de fait de parler, tu parles, prononce des mots, communique, ça change, on se comprend. Les animaux, ils n'ont pas cette capacité-là. de parler avec la langue, avec des termes, des mots compréhensibles. Ah, ils ont leur langage à eux après. الشاهد أن الله لم يجعلنا من هذا الصنف من المخلوقات. Ni à la base chez l'être humain, c'est que l'être humain à la base c'est qu'il n'est pas, il est pas sourd, il entend. Maintenant certains sont nés comme ça ou ont eu des accidents qui ont causé cela. Alors خروج عن الأصل. كذلك l'être humain il parle. T'en as, ils ont perdu la notion de du parler, ils sont muets comme on dit. Mais ça c'est خروج عن الأصل كذلك. La base c'est que l'être humain il parle. كما قال تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. Ils n'ont pas donné deux yeux ainsi qu'une langue. Et pourtant, les gens ils sont aveugles. Et là-bas, c'est que l'être humain, il a une langue. Il a des oreilles, il entend. Il a des yeux, il voit. Il a les cinq sens, comme on les connaît. Comme encore le shir, Adal Kalem, Adi Ni'ama, Ni'ama Allah Azza wa Jal al-Abd. Et quand je dis l'Abd, c'est Ubudiyya al-Amma. Tous les serviteurs d'Allah qui sont musulmans ou kuffar. Tous on parle à la base. Et la ni'ama, elle est remerciée, jusqu'à l'aliha, iza wudi'at fima yuhibuhu Allah. Le choukr du ni'ama, c'est de l'employer dans ce que Allah il aime, ou dans ce qu'il a permis. Et cette ni'ama, adam choukr, ou anta do'aha fima yuhdibu Allah. Parce que Allah n'a pas permis, qui le met en colère. Toi, aujourd'hui tu parles, mafalan, تقول خيرا من دعاء تدعو ومن تصبيح صبيح سبحان الله من تحميد تدي الحمد لله من تكبير تدي الله أكبر من تحليل تدي لا إله إلا الله من أمر بمعلوف ونهي عن منكر tu ordonnes le convenable tu interdis le blâmable من النصيحة tu conseilles من قراءة القرآن تقرأ القرآن tu lis le Coran. T'apprends les hadiths, t'apprends l'ilm, tu enseignes aux gens. Kullu hada kalam bi khayr. Et ça, adin ni'ma, cette lisan, ce lisan que Allah t'a donné, en faisant cela, tu le remercies. Car tu l'appliques dans ce qui est bien. Dans ce qui est wajib, dans ce qui est mustahab, dans ce qui est permis. Lakin, iza khasa hada kalam, adin kudra ala nutq, wa taj'al hada fima la yuhibuhu Allah wa maharrama alayk, fa huna kunta kafiran bi ni'matihi. Là, si jamais ce parler, ce bienfait qu'Allah t'a donné, que ce soit le parler ou autre, hein, tous les bienfaits de façon générale, on parle, mais là on vise le parler, tu l'emploies à faire du mal. Mathalan, min, shirk billah, tadou ghayr Allah, tu invoques contre Allah Azza wa Jal, ou tu dis du kufr avec ta langue, tu insultes Allah Azza wa Jal, sa religion, son messager, sallallahu alayhi wa sallam, les croyants, tu te moques de la religion, tu mens, le kazib, ou le riba, tu médis, ou le namima, tu calomnies, shahadat zour, tu fais les faux témoignages, ou le zalika min kalam sayyi, tu es grossier, tu es vulgaire, tamam, ou akada, ou tufsid bayna an-nas. Et bien ça, à ce moment-là, ta langue, et se parler, tu n'auras pas à remercier Allah Azza wa Jal, par cela, ça va devenir pour toi, par la suite, un châtiment. Tamam, un châtiment. Fa anta, illam yakun ma'aka khayr, taqul bih. Scoute. T'as pas de bien à dire, te calme pas à chercher un truc à dire et garde le silence. Comme qu'Allah Ta'ala, Ya ayyuhal ladhina amanu, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Thumma yaqul, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Vous qui avez cru, craignez Allah et dites une parole juste. Et la conséquence d'agir de la sorte, ça amènera que, comme il dit, yuslih a'malakum, que Allah va réformer tes actes et te pardonne tes fautes, et que celui qui obéit à son messager a réussi une victoire éclatante. Le verset dit « Crains Allah » et dit des paroles justes. Des paroles justes. Et comme « Qayla fi bad al-abiyat » ou « bad al-hikam »« In lam yakunnaka kalam sadita kulhu fa sukutuka sadada » Si tu n'as pas une bonne parole juste à dire, bah ton silence est une justesse en lui-même. Le fait que tu ne parles pas, c'est une chose qui est juste. « Fahada ma hada »« Hada ma hada » Et combien de hadiths sont venus pour faire mettre en garde contre les méfaits de la langue? Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man yadbun li ma bayna shafatay wa bayna rijlayn, adbun lahu al-jannah. Celui qui me garantit ce qu'il a entre ses deux lèvres, ou les mâchoires, j'ai oublié le hadith, entre ses jambes, c'est-à-dire son sexe, je lui garantis le jannah. Car les choses qui nous le plus aux gens à cette heure, parmi les choses des actes des jawarih, c'est notre langue, et tout ce qui est touche aux relations hors conjugales. Shahawat. هذا يدور الإنسان أكثر. مثلا جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان ولا يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يستطير من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. Il a dit qu'ils sont passés près de deux tombes. Qu'il a dit, eux, ils se font châtier, ces deux-là. Il ne faut pas se châtier pour quelque chose d'immense à la base. Il y en a un, quand il est ruiné, il ne se préservait pas de son urine, ça veut dire soit il est ruiné devant tout le monde, ou soit ça veut dire qu'il est ruiné, que tout revenait sur lui. Et il ne se nettoyait pas. C'est une najasa. Ça lui a valu quoi ? Azab al-Kabr. Wa thani, qala kan yamshi bin namima. C'est la calomnie entre les gens. Calomnier. Ou un oncle calem, à la wajl fasad bin al-nas. Tu propages les paroles entre les gens, en but de faire des désordres. Alors, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yatru l'uljanna fatat. Que le fatat, là-bas, c'est le namam. Il a dit que le fatat, le namam, n'entrera pas au Jannah. Lakin, ça veut dire quoi ? Il ne sera pas parmi les premiers entre au Jannah. Dhul awali. Ça ne veut pas dire que c'est du kufr. C'est pour dire que c'est le azin namima, mina kabair, liyannaka tu'azab biha fi qabrik. Tastahik al-azab. Et ça vient parmi le kalem de char. Ce qui est interdit. Wa yaqul, le shi'a sidda, mathalan, al-aya, ma yalfidhu min qawlin, إلا لديه رقيب عتيد qui ne prononce pas une parole sans qu'il n'ait avec lui des gardiens, des observateurs qui écrivent tout ce qu'il dit. C'est-à-dire tout ce qu'on dit, le moindre kalam qu'on dit, il est inscrit. Et on sera interrogé au moment qu'il y a un kalam. فَإِنْ خَيْرًا فَخَيْرًا وَإِنْ شَرًّا فَشَرًّا. S'il est bon, il nous apporte du bien. S'il est mauvais, هذا تعطي المشيئة. تعطي المشيئة. Comme on a dit, le kalam, ça peut être du kufr, ça peut être du fisq, ça peut être de la bid'a, c'est une ma'asiyya, et le contraire. Yani les arkam taklifiyya, les cinq règles qu'on a appris auparavant, elles s'appliquent dessus, ce qui est wajib. Et des fois, les paroles sont wajib à dire. Mathalan, qira'at al-fatiha ala salat, ala wajib. Dire du bien. Lorsqu'on dit une chose, c'est wajib de dire du bien. Et dire du bien ne veut pas forcément dire ce qui plaît aux gens, mais dire ce qu'il faut dire aux gens. Elle a quoi le bichay? Laisse ma nain, t'as quoi le maïa yuhib el nas? T'as des gens, ils aiment la musique. T'as des gens, ils aiment la grossièreté. Ils aiment la vulgarité. T'as des gens, ils aiment des choses qui sont mauvaises. Est-ce qu'on veut leur dire ça pour dire c'est un khay pour lui? On ne va pas lui dire. Mais on va avec notre langue, on va lui interdire cela. On va, elle n'a rien, elle est munkar. On va lui dire taqillah wa kaza. Donc le khay, c'est de quoi? De dire ce qui est bien. Et le khay, le wa ism al-jami, li kulli ma yuhib Allah wa yarda. Le khayr, c'est un mot d'ensemble qui représente tout ce que Allah il aime et l'agrée. D'accord? Tout rentre dedans, ça s'appelle le khayr. C'est qareeb min ta'rif al-ibada. Ça ressemble. Le khayr, c'est tout ce que Allah il aime. Et il y a des choses que Allah aime qui est le fait d'interdire ce qui est blâmable. Donc dire du khayr, comme on dit, ce n'est pas forcément dire ce que les gens aiment entendre. Mais c'est de dire aux gens ce qu'ils doivent entendre. Et le muwafaq, il aime entendre ce qu'il doit entendre. Le muwafaq, يحب يسمع ما يجب ان يسمع. Donc parmi les kalam wajib, comme on disait, il y avait par exemple d'accord le fatiha fi salawat, c'est des azkar qui sont wajiba dans sujoud, dans rukou, faut que tu les dises. Et ça va venir dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal inshallah ta'ala فيما بعد حينما قال لمعاذ قال الا دلك على le bien, il a dit ce qui tient le bien entièrement. Il a dit bala ya rasulullah, قال فامسك بلساني, قال امسك لك هذا. Il a pris sa propre langue, il a dit prends garde à cela. Est-ce que nous serons repris, c'est-à-dire jugés ou autre parce que nous prononçons? Il a dit sakulat ummuka ya Mu'adh, fa hal yukabbu an-nas aw yakubbu an-nas fi an-nar aw ala makhali manakhirihim aw wujuhihim illa hasa'id asnatihim. Il a dit qu'est-ce qui va emmener les gens au feu si ce n'est ce que leur langue ont prononcé. Ils sont traînés au feu sur leur visage, sur leur narine, parce que leur langue, elles ont prononcé. Il y a parmi les Akbar Asbab, ce que tu prononces comme parole. Wa jaa fi hadith, nasit al-sahabi, qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna al-abd yantuk bil-kalima, wa luki biha balan, fa yurkillahu bihi, fi sabrin khalifa, fi nar. Que des fois, le serviteur dit une parole à laquelle il ne prête pas attention. Et par sa cause, Allah le jette dans le feu Enfin, c'est une distance de 70 printemps, je veux dire 70 ans, il tombe dans le feu. Une parole qu'il a dite comme ça. Il ne s'est même pas rendu compte de ce qu'il a dit, dans le sens, ce qu'il a dit, il en est conscient, mais il ne réalise pas la gravité de sa parole à ce moment-là. Et le contraire, le même hadith que pour un kalam que tu auras dit, que tu rentres en Jannah. Hadha. Falyakul khayran am yasmut. كذلك من كلام الخير ان تطير السرور على اخوانك على من تحب quand tu fasses plaisir aux gens dans le sens tu leur dis ce qu'il faut dire comme on a dit au début une parole correcte comme quand Allah Ta'ala wa kulli ibadi yaqulu allati hi ahsan et dis à mes serviteurs de parler de la meilleure des façons des fois ton frère il est triste tu le consoles il a perdu un proche ta'ziya tu fais les condoléances d'accord il lui est arrivé une épreuve tu lui fais le rappel pour le renforcer il a besoin d'un conseil, tu le conseilles, ou tu le vois qu'il a besoin de... Mais c'est même une réprimande, au moment où il en a besoin, tu le réprimandes. Kullu hadha, des fois, al-duhak, le fait de rire, de faire de l'humour, tant que c'est pas mensonger, c'est permis. Kullu hadha, wa ahyanan yakun mustahabban. Quelqu'un, tu voulais un peu triste, un petit kalam gay, pour lui mettre un peu de gaieté dans son cœur, il est content. Voilà. Comme dans ce hadith de ce petit garçon dont on a parlé la dernière fois, qu'il y avait un moineau qui est mort. Il était attristé. Et le Nabi Salam lui a dit qu'il est gentil. Après, l'enfant était heureux, il était apaisé. Et Allah a dit Allah a dit Allah a dit Allah a détesté trois choses pour vous. Le qu'il wa qal, c'est les paroles inutiles, les ragots. Il a dit, il a fait, ils ont fait, qui n'apporte aucune faïda. Il a vu des gens. Idarat al-mal, c'est le gaspillage d'argent. Ton argent, tu le mets dans ce qui ne te sert à rien. Wa kathrat as-su'al, le fait de poser trop de questions. Des questions qui ne sont pas des choses qui sont pour toi nécessaires à de connaître. On en a déjà parlé auparavant. Min hadha. Al-shahid qala qil wa qal. Qil wa qal. Maintenant, parfois, comme كان يفعل الصحابة بعد الفجر يجلسون ويذكرون أمور الجاهلية ويضحكون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم يتبسم. Des fois, les Sahaba, après le Fajr, ils s'asseyaient ensemble et c'était des choses de la jahiliya qu'ils faisaient auparavant. Et ils en rigolent. On dit, regardez ce qu'on faisait. On était loin, mathalan. Et le Nabi صلى الله عليه وسلم est présent, il les regarde et il sourit. Pour que c'est permis. Des fois, ça nous arrive, nous. Combien de fois on parle, prends là dans le couf, j'ai fait telle et telle chose. Lekin, tu dis ça dans quel sens? Mabé shukr. Pour dire en quoi j'étais, subhanallah. Comment j'étais bête, comment j'étais loin, comment j'étais égaré, et que Allah m'a guidé. Hein? Donc aujourd'hui, tu vois la chose d'un œil, c'est pas que tu t'en vantes de ce que tu faisais, mais tu t'en rappelles déjà d'une chose, n'oublie pas d'où tu viens. C'est que si jamais tu oublies d'où tu viens, ça va amener à ce que tu oublies de remercier Allah Azzawajal. Et wamin, halawat al-iman, la saveur de la foi, trois choses. D'aimer Allah et son messager plus que tout, de n'aimer la personne que pour Allah Azawajal, le troisième, an yakrah an yauda fil kufr, kama yakrah an yurqa fil nar. Que tu détestes surtout dans la mécréance, tout comme tu détesterais être jeté au feu. Donc, comment peux-tu oublier cela? Tu ne veux pas y retourner. Tu ne peux pas l'oublier. At tark bimana huna, nisyan mana, tu l'oublies dans le sens où tu l'as délaissé. Mais nisyan ma'na annahu laysa fi dhinik la, ça dans ta tête, comment tu as grandi, comment tu étais éduqué, tout ce que tu as connu, qui t'a amené justement à cheminer vers l'islam. Et les erreurs que tu as commises auparavant, tu n'oublies pas pour en tirer des leçons par la suite. Tout ça, tu ne l'oublies pas. D'accord, il ne faut pas l'oublier tout ça. Mais l'oublier dans le sens de délaisser n'arm. Mais là, c'est un wajib. Pas les sahaba, comme on l'expliquait, le sait. Et des fois, c'est vrai, ça arrive souvent, des choses qu'on faisait auparavant, on en parle, on rigole. Ou des choses permises aussi qu'on faisait auparavant. On en rigole. On en rigole. Mais tout cela, quand on se le rappelle, il ne faut pas oublier que, comme je l'expliquais, il ne faut pas oublier d'où on vient. Et plus important de ne pas oublier d'où on vient, de ne pas oublier où on veut aller. Plus important que cela encore, n'oublie pas où tu dois aller plutôt. D'accord ? Parce que des gens disent, n'oublie pas d'où tu viens, dans quel sens? Sens de jahiliya. N'oublie pas, tu viens de tel pays, tu es de telle origine, tu es de telle race, tu dis ça, c'est pas important ça. Inakramakum indallah atqakum. plus pieux auprès d'Allah, le plus noble auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Ça, c'est pas important, ma race, tout ça. Ça, c'est bien pour connaître ma généalogie, mais que mes origines sont tel et tel endroit, ça ne profite qu'à moi. Comme ça, culturellement parlant. Mais dans ma religion, en soi, ça m'apporte rien. Alors moi, je suis martiniquais, la Martinique, n'importe quoi dans ma religion. Voilà, cheikh. Foulane, il est marocain. Si, c'est pas été son côté marocain, point de vue dîne, ça veut l'apporter quoi? Rien de plus qu'un autre. L'autre, c'était un indonésien. Hormis ce qu'il a connu comme islam, le fait que c'est indonésien, ça l'apporte rien de plus dans son dîne. Et des gens, ils voient ça, ils disent, nous pas d'où tu viens. Bah, je dis, ça va apporter quoi de ne pas oublier? Dans ce sens-là, je parle. Je dis, moi, mon cause, c'est savoir où je vais. Mon cause, c'est savoir où je vais, finir. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, يُبْعَثُ الْعَبْدُ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ. Le serviteur sera ressuscité sur ce qu'il est mort. Par exemple, dans le hadith Aïcha, كُلُّ يُبْعَثُ عَلَى نِيَتِهِ. Chacun sera ressuscité sur son intention. Donc c'est quoi le plus important? Sur quoi tu es mort? Donc là où tu vas? On l'a pris dans le hadith d'Ibn Mas'ud, ou de... Non, Ibn Mas'ud, qu'à la fin, ton livre te rattrape. On regarde quoi en dernier? Sur quel hell tu es mort? Donc toi, c'est quoi que tu regardes? Comment tu vas mourir? Tu essaies de faire en sorte de préparer, on l'a dit au début, Hadha al-yawm, yawm al-qiyamah. Tu prépares. Donc tu vises là où tu vas. Mais d'où tu viens, t'aide pour ne pas y retourner. Alors, savoir d'où tu viens, du coup, premier côté dont c'était tout à l'heure, t'aide pour savoir où il ne faut pas que tu retournes. Et tirer des leçons, des erreurs. Thumma qal, après il parle, فَيُكْلِمْ جَارَ. Dans une riwaya, فَرَيُؤْذِي جَارَ, qui ne nuise pas à son voisin. قَلَى الْجَارَ هُوَ مَنْ يُجَاوِرُكْ فِي الْمَسْكَنْ وَالْمَزْرَعَ وَالْمَصْنَعَ وَالْمَجَّى وَرَوْحَكُنْ فِي الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ وَالْإِجْمَعِ. Donc le voisin, c'est celui qui est proche de toi. La proximité dans le domicile, ça veut dire celui qui habite à côté de chez toi. Ou dans tes champs, là où tu travailles. Ou dans ton usine, ou dans ton commerce, il a un droit sur toi. Et ce droit, il est reconnu par le Coran, et par la Sunna, et par l'Ijma. D'accord? Par l'Ijma. Le voisin, il a... Et après, les voisins, en fonction de leur degré, ils ont plus de droits. Par exemple, le voisin musulman, il a plus de hukouk que kafir. Et le voisin qui est lui-même un proche parent, a plus de droits qu'autrui. Et celui qui est proche parent kafir, a plus de droits que celui qui est kafir, qui n'est pas proche parent, ainsi de suite. Et celui qui a les trois, qui est voisin, qui est musulman, qui est proche parent, a dit, la hukouk kulluha. Wa kaza. Donc ton voisin, même si c'est un kafir, il a un droit sur toi. Mahu, antukrimahu. Oui, comme déjà, c'est pas faire le, comme on dirait, de fausse politesse envers lui. Ton voisin, c'est un kafir. Tu dis, moi, j'ai pris le hadith. Dès que tu le vois, bonjour, monsieur Robert. Comment allez-vous, monsieur Robert? Tu lui ouvres la porte, tu lui portes ses courses. Mathalène, à Ozobila, tu sors son chien. Il est malade. Non, ça, c'est pas ça. Lui, c'est un kafir. Ton ikram pour lui, déjà, c'est da'wa l'islam. Première chose, lui faire savoir qu'est-ce qu'il, sur quoi il est actuellement là, c'est le kufr. Ça va le nuire. Donc, ton premier ikram, c'est de l'appeler à adorer Allah Azza wa Jalla. Adawa aham shay. Elle m'a écrit depuis des années, tu l'as jamais appelé l'islam, ma akramtahu. Wallahi ma akramtahu. Des années, il est après de toi. Tu le vois tous les jours presque, tu le croises. Et tu lui as jamais montré à ton niveau, sur quoi il est, ma akramta. Tu lui as servi à rien du tout. Et au minimum, qu'est-ce que tu peux faire, si tu n'arrives pas à lui dire, par tes actes, tu lui montres. Si tu n'arrives pas à lui dire clairement la chose, car c'est pas tout le monde qui a la charge de le dire, d'affronter, tu fais un islam qui est haq, qui est mustaqim. Et par ta pratique, tu lui montres que tu n'es pas comme lui. Quand ça va l'interpeller, il va dire, lui, Mathalène, il va devoir aller au mosquée tous les jours. Il va devoir, Mathalène, comment tu te comportes avec tes enfants si tu en as, avec tes parents s'ils le voient, avec ta femme. Il va voir que tu ne le nuis pas. Il va voir que tu es quelqu'un qui est correct. C'est une da'wa. D'accord, c'est une da'wa. Mais il faut qu'à travers sa da'wa, il ressente qu'il est différent de toi. T'as des gens, malheureusement, pour réclamer Dave, Kajar, ça veut dire bonne année. Ou de lui offrir un truc pendant les fêtes, tu vois. Il y en a plein, là. Il y a eu les fêtes il n'y a pas longtemps. À Ouzbillah. Les gens disent, ouais, on est tous des humains, c'est pour mettre entre nous la joie. Et là, ils prennent ce hadith-là, comme Dalil. On dit, t'as ma femme tel hadith. Ma akramta ou bel adarrata. Tu lui as fait du mal. Car tu lui as confirmé son mal. Tu lui as montré que le faux sur lequel il est, c'est du vrai pour lui. Alors que toi, normalement, tu dois lui montrer que c'est pas comme ça. Non, je te dis pas, il vient, tu lui claques la porte au nez. Oh, Bilati et Arsène. Mais tu lui montres que t'es pas mon affaire. T'es pas avec lui dans ce qu'il fait. Et s'il y a du créer en lui, il va te demander pourquoi. Et là, tu lui expliques. Il rentre chez toi, tranquille, pas de problème. Tu fais un chai. Voilà. Tu mets un chai, tu mets des gâteaux et tu parles poliment avec lui. Et tu lui expliques les choses clairement. Après, c'est Allah qui guide. C'est Allah qui guide. Donc, après faire des concessions et vouloir lui plaire, là, c'est pas le cas. Le cas, c'est que l'islam lui plaise. Mais l'islam haq, tel qu'il est. Ou t'as d'abit tawhid. Même, et là-bas, s'il y a des munkarat, tu lui expliques. Tu lui expliques. Mais c'est dur de subir cela. Ou t'as un voisin, il met de la musique à fond toute la journée. Ça peut être une fitna pour toi. Ta voisine, elle peut être une fitna pour toi. C'est une femme, elle est plaisante et elle s'habille comme une je sais pas quoi. C'est une fitna pour toi. Tu vas faire quoi? C'est quoi l'ikram pour elle? C'est quoi l'ikram pour elle? Tu la regardes pas, tu te détournes, tu ne parles pas. Et si elle te demande un système par rapport à l'islam, tu lui offres un kitab. Dans sa boîte aux lettres, tu mets un kitab. Ou tu donnes le numéro de sœur. Tu es marié, elle parle avec ta femme. Ou elle parle avec la femme de frère. Mais toi, tu dis, je vais lui faire da'wah. Je vais lui expliquer, Inch'Allah, avant dans l'islam. T'es sûr que tu vas lui faire da'wah? Ça peut se tourner contre toi. C'est dangereux, ça. Après, tu tournes l'histoire, a'ouzoubillah. Donc, ha'adahu. Et, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, أنا جبريل كان يسيل يسيه يسيه بجار حتى ظن أنه سيوارثه. Il a dit Jibril tellement il m'exhortait, me recommandait de bien comporter comme mon voisin, je pensais qu'il allait hériter de moi. Tellement c'était important. Et min أشد الذنوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله ذكر لابن مسعود قال ذكر الشرك أولا ثم ذكر أن تقتل ولدك que tu tues ton enfant par peur qu'il mange avec toi. Que tu fasses zina avec la femme de ton voisin. Alors ça, c'est pire que le zina avec n'importe quelle femme. Car ton voisin, normalement, il est en sécurité de toi. Il n'est pas là, et toi, tu le trahis dans sa maison. Ça, c'est le summum de la trahison. Le summum de la trahison. Donc, comme par exemple, voler chez son voisin, j'ai plus la hadith en tête, c'est pire que voler n'importe où. Parce que ton voisin, à la base, il est en sécurité de toi. Quand t'es pas là, il va pas penser que tu vas lui faire du mal. Et voilà que tu te mets tu le cambrioles, tu t'en prends à son épouse, mathalen, tu t'en prends à son honneur. Ça, c'est pire encore que n'importe quelle personne. Ton voisin. Ad Ashad min Ghayri. Et on voit beaucoup de guerres entre les voisins. Shaitan, Halis, Harish ben Annas. Parce que tout ce qui est plus proche de toi et qui a haq est plus grand, Shaitan il va travailler plus grand encore. Avec tes parents, avec tes arham, avec ton voisin, avec ta famille, avec ta femme. Plus les gens sont proches de toi, plus ils ont un haq, plus il va faire un travail Shaitan sur toi. Et tu vas être gentil avec un étranger, grave, loin. Et le celui qui a un haq plus grand, tu vas le négliger. Fa'adam talabat Shaitan ma'arukulina. Après, il a parlé du daif. Le daif ou le nazil, le gharib. Celui qui vient chez toi, qui vient d'un lieu éloigné. Ou, si c'est pas éloigné, qui n'est pas de chez toi. Ça peut être ton voisin, ton daif. C'est quelqu'un à la base qui ne vit pas avec toi. Fatou krimo. Même tu krimo. Ou à haq al-daif, al-diyafa, awalan ja'iza, ya yom wa layla. Ou al-diyafa, fast ayam. 3 jours. Enfin, le Zaif, il vient chez toi. Tu crémo. Il est connu que les Arabes étaient parmi les plus honorables des gens. Ils s'en vantaient auparavant dans la Jahiliya. Waqil an Ibrahim alayhi salam wa awwal man Zaif. Stakbala duyufan. Après, je ne sais pas si c'est Thabit, mais c'était dit que c'est le premier qui a mis la sunna de la Ziyafa, c'est Ibrahim alayhi salam. Après, il faut voir si c'est authentique ou pas. enfin, tu vois ici au Yémen, dans le Mabarik, comment, lorsque quelqu'un t'invite chez lui, comment il y a que les mots. Tu le vois, c'est une chose que je ne voyais pas auparavant. Et je parle de gens même qui ne connaissent pas. Donc tout cela, ces actes-là, de façon générale, et tout cela, comme on a dit au début, c'est parmi les actes qui t'amènent à te préparer pour ce jour. Et ça, c'est des wajibat. Hein. De dire du bien sur terre, c'est wajib. D'honorer le voisin, de ne pas le nuire, c'est wajib. Et d'honorer le daif, l'invité, c'est wajib. C'est wajib. Taïb. Fabi hada, kammelna hada al-hadith, ala al-khamis akhar. Thumma qal, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fil hadith, al-sadis hachar, sazim hadith, al-Nabi Hurayra, anna rajulan qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, awsini, qala, la taghdab. فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري سنو ابو هريره un homme s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit conseille-moi recommande-moi exhorte-moi il lui a dit ne te mets pas en colère l'homme a répété la demande il lui a redit ne te mets pas en colère évite la colère فالغضب من طبيعه الانسان c'est une chose qui est en nous la colère حتى الغضب من صفات الله عز وجل تمام كما قال نقول في الفاتحه غير المغضوب عليهم ولا الضالين autre que ceux qui ont connu ta colère et les égarés et d'autres versets sont venus dans le sens que laisse-moi en colère donc al-ghadab c'est une sifa qui donne une scène et qui doit être mise à sa place quelqu'un qui se met en colère pour rien ala mazmum quelqu'un qui se met jamais en colère على ما ظلم كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب ولا ينتقم لنفسه ابدا وكان يغضب متى اذا انتهكت حدود الله lorsque les lois d'Allah étaient violées bafouées il se mettait en colère d'accord son visage rougissait donc le غضب يكون عباده كذلك je m'en colère pour Allah azza wa jal c'est une ibada tu vois mon cœur devant toi Tu m'en colères pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une ibadah, t'es ma'jour, c'est ce ghadab. Mais lui, là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça à cet homme-là dans le sens, un ghadab qui est hors contexte. Le ghadab qui est mis, qui n'est pas à sa place. لهذا جاءت أحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسلعة لكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. Il a dit que le dur, c'est pas celui qui arrive à on va dire étaler les gens, qui est fort en combat ou quoi, il a dit le dur, celui qui se maîtrise dans la colère. La colère elle monte, il se maintient. On a déjà fait un hadith ukhra, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Man kazama ghaizan wa wa qadir ala yanfuzahu, daha Allah yu min qiyamah ala ru'us al khalaiq, hatta yukhayyalahu min huri'in ma'asha. » Il a dit que celui qui a en lui une colère, et qui la contient, alors qu'il est en mesure de pouvoir l'exprimer, que Allah va l'appeler en tête de toute la création, le jour de la résurrection, il le fera choisir parmi les Khulirin, celle qu'il veut. Parce que, dans sa colère, il s'est maintenu. Et c'est quelle colère là? Celle qui ne te servira à rien, mais qui va te nuire. « Kam fil ghadab hasala min qatl wa min muharramat wa min zulm wa min bari » Combien il y a dans la colère, il y a eu ça? Déjà, ils se sont tués. Un coup de colère sans moment pas maîtrisé, des meurtres, pour un kalem. Un regard, certain. Il s'est mis en colère, le ton est monté, mauvaise parole, ça se tue. Ça se bagarre. Ça se nuit. Wa akada. Lèche, lèche, hada al-ghadab. Wa min ilaj al-ghadab, yaqulu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana andahu rajulan yastabban. Il y avait deux hommes qui s'insultaient. Ils étaient en colère. Maintenant, il était rouge de colère. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اني اعلم كلمات لو قالها لذبحنهم ويجيد لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذبحنهم ويجيد لان je connais une parole s'il avait dit ce qui ressort en lui serait parti qui recherche refuge auprès d'Allah contre Shaitan ça serait parti et les sahaba lui ont dit dans une version il s'est mis encore plus en colère liesh bijulun dit je suis fou le Nabi sallam il lui a pas dit il l'a dit aux autres je connais une parole Il n'a pas dit à lui. Ce qu'il sait que s'il lui dit à lui à ce moment-là, il se peut qu'il se passe encore plus en colère. Donc quand quelqu'un est en colère, faut savoir gérer. D'accord ? C'est pas tu vois, il est fou, il est en colère, et tu lui dis, tu mets la question, lui, terre qu'il a à casa. C'est pas qu'il dise du coup, à ce moment-là, dans la colère. Laisse-le se calmer. Et quand il est calme, tu vas lui parler. Maintenant, s'il est en colère et il fait n'importe quoi, il faut le maîtriser. Non. Mais dans la colère, quelqu'un qui est en colère, apprends-toi à faire preuve de hikmah. Ne va pas rajouter du feu à son feu. T'en as, ils sont comme ça. Ils voient quelqu'un en colère, tout de suite, ils font un inkar, bishidda, dit là, ma wa kaza. Regarde cet homme qui est venu, Allazi ba la fi masjid an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, adal arabi. Il a uriné dans le masjid sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba, ils sont en colère, ils ont zajaro. Nahumun nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, laissez-le, pour qu'il finisse. Quand il a fini, il a appelé pour qu'on amène un seau d'eau. Il a versé sur l'urine. Après, il a expliqué quel moment. Car sur le moment qui serait passé, comme disent les ulama, déjà ça se trouve, en l'arrêtant, il l'aurait mis partout en urinant. Et les ulama ils disent que celui qui urine, qui se bloque en pleine urine, cela lui nuit, il y en a physiquement. Ouais, c'est-à-dire ça va apporter un plus grand mal. Pourquoi des fois, des gens ils sont en colère, ne te précipite pas à vouloir calmer en disant une parole qui l'énerve encore plus. Laisse-le se calmer. Ou dis une parole qui va le calmer. Toi, faire en sorte qu'il se calme. D'accord ? Une fois qu'il est calmé, tu lui rappelles son erreur. Fasse tauba. Si jamais il y a eu un tajawuz, akada. Ilman al-ghadab, minhum yakun ma'zuran. Il y a des colères qui sont pardonnées. Quand tu ne sais plus ce que tu dis. Tu as une colère, tu ne sais même plus ce que tu fais. Tu deviens. C'est de la démence. Tu dis, tu sais ce que tu as dit à tel moment ? J'ai dit quoi ? J'ai dit telle chose. Je ne me suis même pas rendu compte. Tellement il n'était que de colère. Mais ce n'est pas toute colère. On parle de celle où tu ne te rends même pas compte de ce que tu dis. Comme dans le hadith de cet homme qui était content. Le hadith. Lui, c'est dans la joie. Donc dans la colère, c'est pareil. Qiyasan al-farah. Al-farah. Fabad al-ulama qu'allou limadha awsa al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam adarrajou bi hazi yawsiya bi dhatiha. Pourquoi ? Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il a conseillé d'autres choses. L'appel au tawhid, l'appel à la sadaqa, l'appel à la kalimat tayyiba, l'appel au ta'awun. Pourquoi cet homme-là lui a dit ces choses-là ? Parce qu'il a dit, sûrement qu'il savait que cet homme-là, en lui-même, avait une colère qui venait vite. Donc là, par rapport à lui, cet homme-là en lui-même avait besoin de ce conseil-là, en particulier. Et au minna kassir la kaza, on est nerveux. Quelqu'un qui est nerveux, tu conseilles à quoi ? Au calme, la salane. Tu lui mets la nasiha qui mouna saba. Et ça, on a appris malheureusement beaucoup en pays de coffre. Ils nous ont rendu nerveux. On s'énerve pour rien. Et après, on regrette. Un calme qu'on a dit, on regrette. Un geste qu'on a fait, on regrette. Une réaction qu'on a eue, on regrette. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas maîtrisé la colère. D'où les hadiths qu'on a dit au début, ceux qui ont colère, qui se maîtrisent dans la colère, ça demande vraiment un djinn nefs. Il a une grande récompense par rapport à cela. Mais on part de là, le radab, le mazmoum. L'azi wa fi ghayri mawdi'i. وذكر الشيخ الاسلام ان الذي يغضب يعني في المعنى وينتقم لنفسه دائما ولو كان مظلوما فسيقع في الظلم بعد هذا celui qui cherche tout le temps à se venger d'un mal qu'on lui a fait celui-là finira par tomber dans l'injustice. Il faut savoir pardonner. تجاوز تمام تجاوز والعفو كما قال تعالى واعفوا واصفحوا والصلح خير. La conciliation, c'est meilleur. Fahada. Wakadalik, ils disent, les ulama, ils disent, parmi les choses qui apaisent la colère, le wudu. Tu fasses le wudu. Quand t'es en colère. Wabardoum yakoul, il est qu'on fajlis. C'est un hadith qui est venu, mais les da'if, ce qui me rappelle. Si tu es debout, assieds-toi. Si tu es assis, allonge-toi. Ça va apaiser ta colère. Biznillah. Jusqu'à présent, quand t'es en colère, t'oublies tout ça. Malheureusement. C'est ça le problème. D'où, le fait de maîtriser la colère. Si t'es en colère, tu te rappelles de ces hadiths, de ces hikam, t'es le mouafak. Hadhi wasiya muhimma mufida jiddan min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yadar rajul wa lana jami'an. Pour nous tous. Donc le ghadab, yanbaghi an yakuna fi mawdi'i, an yakuna lillah. Awalan. D'accord ? Ta colère, elle soit bâtie sur ta religion. En premier lieu. Maintenant, il y a juste la quinte ardob les erdik pour ton honneur ou pour tes biens si quelqu'un t'a lésé. On va pas dire ne te mets pas en colère. Mais cette colère-là, il faut que tu la maîtrises. Il ne faut pas qu'elle t'amène à faire un tajawuz du had. Tu dépasses les limites. D'accord ? Quelqu'un peut voir, tu peux lui montrer que tu es en colère, mais, comme on dirait, avec maîtrise. Hadahu. quelqu'un t'a fait du mal, il a fait une chose grave, qui touche à ta personne, à toi, tu peux lui pardonner, mais c'est quoi le but? Qu'il ne recommence pas non plus ce qu'il a fait à quelqu'un d'autre. Donc tu lui montres ce que tu fais là, tu mets les gens en colère en faisant ça. Donc tu lui montres que tu es en colère, d'accord, mais tu lui dis, sans pour autant non plus dépasser les limites dans le parler ou dans les agissements avec lui, ou avec ta femme, ou avec tes enfants. Combien nos enfants nous mettent en colère avec tout ce qu'ils font comme bêtises, hein? Nos familles, combien nous mettent en colère? Même nos parents nous mettent en colère. Pourtant, ton père, ta mère, ta colère, comment tu exprimes avec eux? Pour que tu baisses ta voix. Ta colère, il faut que tu la maîtrises. Et ça, malheureusement, c'est vrai que c'est dur. Voilà, c'est dur. Al-muwafaq ma-wafaqahullah. Hada wa sabab min hadhihi al-ahadith. Pour nous rappeler tout cela. C'est une tarbiya pour nous. C'est une tarbiya pour nous. Wal-amal bi hadhihi al-ahadith. Les appliquer. Les appliquer. On a sallallahu alayhi wa sallam taqsirina. وهكذا فبهذا انتهينا من قراءة هذين الحديثين مع شيء من التعليق عليهما فإلى هنا والحمد لله رب العالمين